Agro J'écoute, ça commence maintenant. L'agroécologie, on m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est. Le McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. L'agroécologie, elle part d'un autre principe. On ne va pas tuer l'insecte ravageur, l'agent pathogène, on va en neutraliser les effets, on va en neutraliser les dégâts. Agro J'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Pesticides, c'est-à-dire fongicides, herbicides. Il faut réapprendre, il faut oublier pour apprendre autre chose, parce qu'il y a des fois, là, on se trompe. Cible, ça veut dire que ça tue. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cible devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan. Bonjour à tous, bienvenue sur Campus FM pour un nouvel épisode de Agro J'écoute. Aujourd'hui, c'est l'émission Territoire Terroir, racontez-nous ton histoire. Nous sommes là ensemble pour les 30 prochaines minutes. Je m'appelle Camille Bill, je suis élève à l'École d'ingénieurs de Purpan et je suis avec Myrène Oiraburu. Bonjour. Thibaut Pellissier. Bonjour. Et Pénélope Laporte. Bonjour. Qui sont aussi élèves à la même école que moi. Territoire, terroir, raconte-moi ton histoire. C'est bien joli ce titre poétique, mais au fond, qu'est-ce qu'on entend derrière ces notions de territoire et terroir? Qu'est-ce que ça signifie finalement? Et dans ces territoires, en plus, il existe vraiment beaucoup, beaucoup de labels de produits alimentaires. Alors, il y a l'AOP, il y a l'IGP, il y a Label Rouge aussi. Mm-hmm. Et en fait, un peu entre tout ça, on est perdu, nous. On ne sait pas trop, consommateurs, pourquoi, lesquels sont importants et surtout, comment on va faire pour les différencier, tu vois. En plus, en ce moment, on est tous à la recherche de comment on va faire pour mieux manger, pour consommer local, pour respecter l'environnement. C'est vraiment... c'est très important pour nous, tu vois, parce que on se définit de plus en plus par comment notre manière de s'alimenter, quoi. Exactement. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est ce que c'est un territoire et un terroir, et comment on peut s'allier à ce territoire, c'est ça? Tout à fait, et ce sera l'occasion de comprendre pourquoi et comment on peut agir en tant que consommateur. Trop cool. Donc, on va vous parler de tout ça juste après une pause musicale où on va écouter le duo Skate and Juice. Tous ensemble avec Myrène, Thibault et Pénélope pour parler de territoire terroir. Raconte-moi ton histoire. Du coup, qu'est-ce que vous évoque le mot territoire? Par exemple, pour toi, Myrène, qu'est-ce que c'est un territoire? Je pense qu'un territoire, ça peut avoir différentes définitions, mais du coup, je parlais de mon cas. Donc moi, je suis originaire du Pays Basque et bon, vous savez, le Pays Basque, c'est pas administrativement reconnu, mais bon, ça reste quand même un territoire, à mon avis. Et du coup, ce territoire, ce qui lie ce territoire, c'est la culture et l'histoire qui est présente, mais aussi la langue. Et donc, c'est toute cette unité-là qui forme le territoire. Et c'est aussi, du coup, des paysages, des savoir-faire spécifiques, les traditions, etc. Mais c'est quand même la culture, l'histoire et la langue qui unit tout ça. Donc, il y a vraiment un fil rouge qui unit ça. Ouais, donc pour toi, un territoire, c'est un contenu et pas un contenant. C'est ça. Et toi, Thibaut, qui est Toulousain, pour toi, c'est quoi un territoire? Est-ce que c'est une mini-région comme Mirène ou pas du tout? Ouais, moi, c'est vrai que c'est un peu particulier, c'est Toulouse, donc c'est juste une ville, c'est pas aussi grand que le Pays Basque. Mais tu vois, pour moi, déjà, ça représente quand même un territoire. Au fond, c'est délimité plus ou moins, mais c'est surtout... En fait, un caractère qui lui est propre quand même, qui ressort, qui a des caractéristiques particulières. Tout le monde parle de la ville rose parce qu'en fait, l'architecture, c'est un peu ce qui va finalement unir le territoire toulousain. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi, et beaucoup en fait, il y a la gastronomie à Toulouse. Il y a le cassoulet par exemple. Ouais, tout à fait. Et donc tu vois, là, ça fait déjà deux choses, ça fait l'architecture, la gastronomie. C'est un peu caractéristique de dire que c'est le cassoulet et la ville rose, Toulouse, mais... Bon, ben ça correspond quand même un petit peu au territoire toulousain, quoi. D'accord. Donc, on voit déjà qu'il y a deux échelles différentes de territoires qui peuvent exister. Il y en a des multiples. Par exemple, pour moi qui viens du Béarn, à côté de chez Mirène, le territoire, c'est aussi lié au contenant plus qu'au contenu, mais la plupart du temps, un territoire est défini par une appropriation économique, idéologique et politique de cet espace par une population. Donc, pour élargir encore cette définition, on va te demander à toi, Pénélope, qui vient de Paris, qu'est-ce que c'est pour toi un territoire ? Alors moi, territoire, c'est pas vraiment, je l'identifie pas vraiment comme vous, c'est pas vraiment une seule composante ou c'est pas une gastronomie ou une culture particulière. Au contraire, Paris, c'est plein de communautés différentes. Ouais. Donc, quand on va au nord de Paris, quand on va... moi, je viens du nord-ouest de Paris, qui n'est pas du tout pareil que les arrondissements du sud, par exemple. Donc, on retrouve vraiment des communautés différentes, donc des gastronomies différentes, des architectures différentes. Paris, c'est vraiment un lieu de transit aussi. Donc, il y a beaucoup d'échanges, des gens qui arrivent, qui partent. Donc, pour moi, finalement, cette notion de territoire, c'est plus ça. Il n'y a pas vraiment de fil rouge, c'est plus cette notion de... Voilà, des échanges et de la diversité, en fait. De dynamique, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et pour moi, un territoire, donc je le répète, je viens du Béarn et pas du Pays Basque. C'est très important, la différence. Hein. On va se battre. Ouais, on pourrait. Le territoire, il est défini par le paysage. On a de très jolies montagnes entretenues par des élevages, par le pastoralisme. Et c'est une identité qui est assez forte, qui est présente. Et pour moi, c'est ce qui définit mon territoire, c'est le paysage. Ouais, je pense que t'as raison là-dessus, parce que c'est un peu comme quand on pense à la Beauce au final. En tête, on a juste un territoire tout plat, avec que des grandes cultures dessus, quoi. Exactement, on vient tous de territoires très différents, et on a tous notre façon de le définir, mais on le caractérise chacun à notre manière, mais on appartient au territoire duquel on vient. Donc, pour récapituler... Je pense qu'on a de multiples définitions de la notion de territoire, mais que ce qui ressort, c'est qu'un territoire représente une certaine unité avec un caractère particulier pour chacun d'entre nous. Et un territoire à différentes échelles, ça peut être une ville comme Paris ou Toulouse, ou alors des surfaces un peu plus importantes comme le Béarn ou le Pays Basque. Oui, finalement, c'est intéressant de voir que vos définitions du territoire à vous, elles sont très différentes de la mienne, donc de Paris. Par contre, il y a un concept, donc l'autre concept dont on va parler, qui est le terroir. Finalement, à Paris, ça ne représente pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de produits du terroir à Paris. Du coup, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, le terroir ? Le terroir, c'est lié à une surface géographique particulière, à une certaine typicité de production de cette région. Et aussi, c'est la transmission de savoir-faire, de la diversité des ressources, la façon de consommer sur un territoire. Et c'est aussi une façon de contribuer à ce territoire. Par exemple, Camille, nous, chez nous, il y a l'Osso Irati sur le Pays Basque et le Béarn. Et du coup, quand on mange ça pendant un repas, d'une certaine façon, on contribue à valoriser l'environnement et le patrimoine de chez nous, avec des valeurs comme manger local, manger naturel, et favoriser et valoriser les savoir-faire du terroir, comme on dit. Ouais, tu vois, moi, par exemple, le cassoulet, c'est, en fait, pour nous, c'est plus, en fait, une question de transmission de savoir-faire, au final. Après, il y a une question de tradition, tout ça. C'est très important. En fait, quand on recherche un cassoulet, ce qu'on veut avant tout, c'est un produit alimentaire qui a de la qualité, qui a du goût, qui a des saveurs, et que ça nous fasse penser un peu au repas de famille, de grand-mère, tu vois, qu'on adore. Et voilà, on est sûr de trouver le meilleur chez nous parce que ben, forcément, c'est celui qu'on préfère. Ouais. Et en fait, tu vois, pour nous, je dirais que c'est lié à la fois à notre forme de construction familiale et sociale, tu vois. Okay. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de suite, dès qu'on a parlé de terroir, on a parlé de produits alimentaires. Oui, c'est vrai. C'est une grosse partie du terroir, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des spécificités agronomiques à la production de ces produits. Spécificités agronomiques, t'entends quoi par ça ? Ben, par exemple, un produit du terroir, il prend tout son sens quand on le met dans le contexte dans lequel il a été cultivé ou produit. Tu produiras pas le même fromage en montagne qu'en plaine, par exemple. Et c'est pour ça qu'en fait, on en parle plus en province, en fait, tu vois. Parce que les espaces dont il est question, si tu veux, ils doivent avoir des potentialités, on appelle ça des potentialités agronomiques homogènes, ça veut dire un peu les mêmes partout sur la zone. Et tu vois, parce que c'est important, parce que c'est que comme ça qu'on peut avoir des produits, en fait, qui vont avoir une qualité équivalente. Et en fait, on parle d'aptitude des sols à fournir un ou des produits qui sont caractéristiques de cette zone, quoi. Par exemple, regarde, quand tu prends les vins de Bordeaux, eux, ils ont des caractéristiques spécifiques qui sont liées au sol et au climat. Et c'est ça qu'ils vont mettre en avant, du coup, à l'international. Et ils vont jouer sur ce côté terroir. Il y a aussi les savoir-faire, tu sais, les barriques, la taille des bouteilles, etc. Et donc, c'est tout ça qu'ils mettent en avant. Et c'est par ça que représente le terroir. C'est exactement ça. Mais par contre, la notion de terroir est typiquement française. Nos amis anglo-saxons, ils n'ont pas cette notion, pardon. Ouais, du coup, les produits du terroir, c'est plus immatériel que matériel. J'ai l'impression pour vous, ça représente plus des traditions et des modes de vie, en fait. C'est complètement ça, quoi. En fait, pour nous, tu vois, c'est un peu, on a un patrimoine en commun. Et en fait, c'est comment on va pouvoir valoriser ces ressources locales à nous, chez nous, quoi. Et en même temps, okay, pour nous, c'est un peu la volonté qu'on a aussi d'ancrer le développement durable avec des pratiques, tu vois, sociales, techniques, économiques, tu vois, tout est lié. Ouais, ok. Donc en fait, finalement, on peut dire qu'un territoire sans produits du terroir, c'est possible, un peu comme Paris, finalement, alors qu'un terroir peut être présent sur une partie ou la totalité d'un territoire. Ouais, en fait, tu peux même aller plus loin. Tu peux dire que le développement, en fait, de produits d'un terroir, c'est en fait la volonté qu'on a de développer, grâce à l'agriculture, un territoire, plutôt que de développer l'agriculture sur un territoire, en fait. Tu vois ? Ouais, ok. Ça, c'est un peu philosophique, mais si tu veux, tu peux retenir que, aussi, ça veut dire que consommer un morceau de bleu d'Écosse, de l'aligot, ou, tu vois, la saucisse de Toulouse avec du bon bagnouls, c'est découvrir, tu vois, et faire rayonner, quelque part, un peu ton patrimoine et la culture locale, quoi. Sur ces bons mots, j'espère que vous avez compris ce que c'est le territoire et le terroir. On vous laisse pour une courte pause musicale et on revient juste après pour vous parler de comment on peut agir pour protéger, maintenir et préserver ces territoires. voici donc au micro de Campus FM avec Camille, Mylène, Thibault et moi-même. Donc dans la première partie de cette émission, on a parlé de territoire et de terroir, donc deux notions qu'on a définies. Pour résumer, le territoire, c'est une région qui peut rassembler une histoire, culture, architecture et des traditions, alors que le terroir, c'est plus des notions qui font rapport au rural finalement et qui sont davantage liées au savoir-faire et à une gastronomie. Exactement, et du coup, c'est très important de préserver ces terroirs et toutes les spécificités qui peuvent y exister. Oui, ça fait un peu partie du patrimoine culturel, finalement. Et du coup, en tant que consommateur, si on veut maintenir ces territoires et valoriser ces terroirs, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut agir, en fait? Parce qu'on pourrait penser à acheter des labels, mais il y en a plein, en fait, des labels pour les produits. Il y a l'AOP, il y a AOC, IGP, après, je ne sais plus, label rouge, bio. Voilà, en fait, on est un peu perdu au milieu de tout ça, quoi. Ouais, non, c'est vrai que les labels, y en a vraiment beaucoup. Bon, par exemple, Mylène, ce jambon de Bayonne que tu nous as apporté. Comment est-ce que tu peux être sûr qu'il vient vraiment de Bayonne? Avec un label, j'imagine. Exactement. C'est le label IGP qui te permet d'en être sûr. Sinon, ton jambon, il pourrait très bien venir de Colmar ou de Brest. Donc IGP, c'est Indication Géographique Protégée. C'est pour assurer que la production est bien réalisée dans la zone et donc que le produit a un lien au territoire en question. Attention, l'IGP, c'est bien joli, mais finalement, il n'y a qu'une étape qui est réalisée dans la zone, soit la production, soit la transformation. Pour reprendre l'exemple du jambon de Bayonne, c'est la transformation qui est réalisée dans la région de Bayonne, mais le cochon peut très bien provenir de Poitiers. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la limite des IGP, quoi, si on peut dire ça comme ça. Mais bon, l'avantage, c'est qu'il y a quand même, un label, donc la certification, qu'il y a quand même une partie de la production qui est faite dans une zone. Donc il y a quand même, on est sûr qu'il y a un lien au territoire. Mais du coup, si je veux acheter un produit qui est fait de A à Z sur un territoire, je veux dire de la production à la transformation, là, quel label je choisis, comment je peux faire? Il faudrait que tu diriges vers un AOP. Oui, voilà, c'est ça. C'est AOP, c'est Appellation d'Origine Protégée. Avant, ça s'appelait AOC quand c'était français, mais c'est devenu européen et du coup, maintenant, ça s'appelle AOP. Donc, il y a beaucoup de produits AOP en France et en Europe. Et donc, du coup, la grande différence avec l'IGP, c'est que toutes les étapes de fabrication sont faites dans la zone. Ah, mais attends, mais là, du coup, t'es sûr que les cochons, ils sont élevés à Bayonne, par exemple? Oui, voilà, c'est ça. Bon, en l'occurrence, l'AOP jambon de Bayonne n'existe pas. Mais bon, après, dans le sud-ouest, t'en as plein des AOP. Hein. Il y a l'oignon doux des Cévennes, le fromage Laguiole, le Roquefort. Et puis, il y a aussi beaucoup de vins, comme le Gaillac ou Fronton. Donc, tous les produits qu'elle vient de citer et une multitude d'autres ont un label AOP et ça nous permet de vérifier que ça a été bien produit dans une zone précise avec un cahier des charges qui respecte l'environnement, l'animal. Et c'est un bon moyen de soutenir les agriculteurs qui sont présents sur ces territoires. Ouais, exactement, c'est vraiment un bon moyen. Et puis si tu veux exactement savoir comment est produit par exemple le jambon de Bayonne, l'IGP et le jambon de Bayonne, tu peux aller regarder le cahier des charges sur Internet. Sur le site de l'INAO, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité. Et c'est quoi cet institut exactement? C'est l'organisme qui contrôle les appellations. Par exemple, tu prends ton train, tu as un contrôleur qui passe et qui vérifie ton billet. Et pour chaque AOP, il y a un contrôleur qui est spécifique à cette AOP qui passe chez les exploitants ou chez les exploitants agricoles ou chez les transformateurs pour vérifier qu'ils respectent bien les règles et que tout se déroule bien. Et si tout est fait, ils peuvent obtenir le label ou le maintenir et pouvoir vendre sous ce signe-là. Ouais, c'est ça. Ah bon, merci, parce que pour moi, là, c'est déjà beaucoup plus clair, même si du coup, ça me donne un petit peu faim, quoi. Normal. Mais par contre, j'ai pas compris le label rouge, parce que dans tout ça, moi, par exemple, j'ai vu la dernière fois des œufs label rouge, et du coup, je comprends pas dans ces labels. En fait, le label rouge, il n'y a vraiment aucun lien à la zone. Ça reste français quand même. Ouais, c'est forcément français, label rouge. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas de lien à un territoire particulier. Par exemple, les œufs label rouge, ils sont faits en suivant des règles particulières de production pour respecter l'animal. Mais après, ils peuvent venir de n'importe où en France. Ouais, mais tu vois, ça, moi, je trouve que c'est hyper important comme règle. Mais là, je trouve qu'on s'écarte un peu. Enfin, quel est le rapport avec territoire et terroir, quoi? C'est vrai que le label rouge n'a pas grand-chose à voir avec un terroir. Ah, d'accord. Du coup, là, en gros, si je récapitule, si je veux maintenir et soutenir un territoire ou un terroir, vaut mieux que j'achète des produits sous label AOP ou IGP. Exactement. Et en achetant ces produits-là, tu soutiens une agriculture d'une zone définie et des savoir-faire traditionnels. Et c'est ça qui est le plus important. Ouais, voilà. Et puis, acheter ces labels, c'est aussi un moyen, finalement, de respecter les paysages. Parce que si on prend des exemples des AOP de fromage, donc par exemple le Beaufort, que je pense que vous connaissez tous, oui. qu'on aime bien, pour ce fromage, en fait, les éleveurs, pour avoir la certification AOP, ils sont obligés de sortir leurs vaches tous les jours pendant l'été et de ne pas les nourrir avec des aliments OGM. Donc les animaux, ils mangent des aliments sains et locaux en plus. Et donc, le fait qu'elles sortent, ça entretient les paysages, ça entretient les montagnes. Donc, c'est tout bénef aussi pour vous. Si vous marchez en montagne, vous avez des belles prairies. Et donc, le fait d'acheter des produits AOP, fromagers en particulier, ça permet d'être sûr que ces montagnes aussi continuent d'être entretenues. Mais ça, je comprends bien. Tu vois, c'est le rapport avec les animaux. Et par exemple, il y a un AOP aussi qu'on connaît, parce que c'est du sud-ouest, je crois, c'est l'AOP Noix du Périgord. Ouais. Et là, vu qu'il n'y a pas d'animaux, c'est quoi les agriculteurs doivent quand même respecter des règles. Oui, exactement. Mmh. Par exemple, pour les variétés de noix, noyers. Ouais. c'est trois noyers qui viennent de la région du Périgord. Et pour la sélection des noix, à la fin, c'est un niveau de fraîcheur plus important, donc de bien meilleure qualité. Et ensuite, il y a plein de règles que l'agriculteur doit suivre. L'utilisation de pesticides est très contrôlée, de pesticides et d'herbicides est très contrôlée, par exemple. Ouais. Puis on a aussi un peu dans le même genre, on a l'oignon des Cévennes. C'est aussi une AOP dans le sud-ouest, enfin dans les Cévennes, comme son nom l'indique. Et donc là, par exemple, pour cette AOP, l'important, c'est vraiment de garder les méthodes traditionnelles de fabrication. Donc, par exemple, les agriculteurs, ils doivent pas dépasser un certain rendement. Ils ont des limites en termes d'engrais. La production, elle doit être faite sur des terrasses parce que là-bas, il y a pas mal de collines. Et du coup, on doit garder vraiment des méthodes traditionnelles. Okay. Et puis aussi, le ramassage de l'oignon doit être manuel comme traditionnellement. Donc, avec les AOP et les IGP, il y a des règles spécifiques qui sont en rapport avec les contraintes des milieux et le respect des méthodes traditionnelles. Et ça, au moins, ça permet qu'on ne perde pas le savoir-faire qui existe dans ces régions-là. D'accord, je vois. Mais du coup, les agriculteurs dans tout ça, parce que toi, tu disais ils doivent avoir des contraintes avec ces labels, parce que toi, t'en parlais tout à l'heure, Pénélope, le ramassage de l'oignon à la main, j'imagine que c'est contraignant aussi. Bah, tout à fait, mais après les agriculteurs qui sont dans des zones d'AOP ou d'IGP, la plupart du temps, ils choisissent d'intégrer ces labels-là pour pouvoir promouvoir leur production, pour pouvoir valoriser leur savoir-faire, ce qui se passe dans leur région. Et même si c'est très contraignant pour eux et ils en ont conscience, ça leur permet de valoriser leur travail et c'est ce qu'ils souhaitent et c'est ce qu'ils recherchent. Puis ils ont des bons prix aussi, du coup, généralement, ils disent pas non. Ouais, mais du coup, moi, j'ai un peu l'impression que tout ça, c'est une vraie démarche marketing et qu'au final, dans tout ça, c'est les labels, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qu'il y a derrière, quoi. Oui, ça ramène de l'argent, forcément, mais ça permet de dynamiser les territoires. Les labels, ils essayent de vendre le plus possible, mais comme tout le monde, c'est une stratégie marketing. Après, il y a des publicités qui existent où c'est quand même assez caricatural, où il y a des exagérations sur des points. c'est assez marrant à regarder, mais c'est au consommateur d'être vigilant. Si il veut se renseigner, il y a tous les cahiers des charges sur Internet. Exactement. Il peut se renseigner là-dessus. Il a les outils pour s'informer et choisir son alimentation. Et il faut savoir que c'est en choisissant son alimentation qui permet de soutenir une certaine vision de l'agriculture qu'il a et de valoriser et de soutenir le travail des agriculteurs. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est vrai que le choix de l'alimentation, c'est vraiment de plus en plus important de nos jours dans la société. On voit, on s'apparente vraiment à un style de vie aujourd'hui par notre manière de s'alimenter. Il y a beaucoup de gens qui sont véganes, il y en a qui sont végétariens, flexitariens, il y en a qui mangent bio, qui font attention conservateurs, enfin bref, il y a vraiment de tout. Et ça prouve vraiment qu'aujourd'hui, les gens, ils font vraiment un lien entre l'alimentation et leur représentation de l'environnement. Et finalement, ça correspond à la santé humaine, mais aussi beaucoup à l'agriculture. Et du coup, les Français sont vraiment de plus en plus sensibles à l'agriculture, à ces enjeux. et ils veulent pouvoir jouer un rôle dans le changement de modèle agricole. Et c'est ça qui est intéressant à voir, quoi. Aujourd'hui, il y a vraiment un lien. Mais je suis d'accord avec toi, c'est impressionnant de voir à quel point il y a des régimes alimentaires différents. Mais bon, en même temps, il y a tellement de produits qui nous sont proposés aussi que c'est un peu normal de faire attention. Et je me disais, Pénélope, toi à Paris, est-ce qu'il y a des AOP, des IGP ou pas ? Je crois pas, hein. Alors si, il y en a, mais je pense pas que vous connaissez. Il y a une IGP et une AOP, la volaille de Houdan et le prix de Melun. Moi-même, j'en ai jamais goûté, je vous avoue. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quand même plus de produits labellisés dans le sud que dans le nord, de manière générale. Ah. Non, oui, c'est vrai. Après, je reprends les chiffres, mais en tout, il y a une centaine d'AOP, 100 exactement, 140 IGP pour les produits les produits que l'on mange, ce qui permet de faire des apéros de qualité. Et après, pour les alcools, on explose les compteurs avec 363 AOP et 76 IGP. Il y a de quoi boire. Avec modération. Avec modération, bien sûr. Du coup, c'était Mylène Oyarburu, Pénélope Laporte, Thibaut Pellissier et Camille Bill. On vous remercie de nous avoir écoutés pour l'émission donc, Territoire, Terroir, raconte-nous ton histoire. N'oubliez pas, petite idée clé, que chaque territoire peut avoir plusieurs terroirs et qu'on peut tous être acteurs et mettre en valeur ses spécificités, notamment grâce aux labels AOP et IGP. Si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à aller voir le site de l'INAO et ou alors de demander à votre commune ou aux agriculteurs que vous connaissez. Il y a une multitude d'agriculteurs qui font bien leur boulot et qui seraient bien contents de partager leur travail. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Ouais, n'hésitez pas à aller voir les agriculteurs sur les marchés. Ça, je crois que c'est vraiment une super conclusion pour l'émission. D'ailleurs, c'est dans cette émission que vous avez pu écouter les musiques issues de l'EP Excuse Me par Skate & Juice. Et on les remercie pour ça. Elle vous a été présentée, cette émission, aussi en partenariat avec l'École d'ingénieurs de Purpan, avec l'Université fédérale et la région Occitanie sur Campus FM. Alors n'hésitez pas à nous retrouver en podcast sur le site de l'émission Campus FM. Merci à vous pour votre écoute. Merci. Merci. C'était Agro J'écoute, une émission préparée par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Un podcast réalisé par les étudiants de l'École d'ingénieurs de Purpan, en partenariat avec Campus FM et l'Université fédérale de Toulouse.